La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Hamel, numéro de téléphone 418-679-4194. Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Chronique soccer avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Dan Radio Sport. Benoît, d'abord, bon samedi matin. Quelle performance de Samuel Girard a remporté la médaille d'or au 1000 mètres. Je pense que les gens de Furlong-Boileau, ça doit être l'euphorie là-bas. Fait que c'est incroyable. Effectivement, une belle victoire régionale aussi, à part la déception de Marianne Saint-Gelais. Ben oui, Marianne, pauvre elle encore. Médaille de bronze également pour Kim Boutin. Ça aussi, c'est fort intéressant. Parle-moi maintenant de la Ligue des champions. Quel duel entre le Real Madrid et le PSG? Et cette semaine, c'était en Espagne. Et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, je veux dire, pour les... on sait que Zidane est contesté là-bas et gagner 3-1, c'est quand même bon là. Ben, tu vois comment c'est pris le Real Madrid a remporté les deux dernières Coupes du Monde des clubs, les deux dernières Ligues des Champions. Ça fait des années qu'il n'y a pas un club en Europe qui n'a pas remporté deux années consécutives de Ligue des Champions, et tu vois, ils ont de la difficulté dans leur championnat cette année. Et puis, c'est comme les Canadiens, mais je te dirais que c'est quasiment x10. Zidane a tout gagné, puis il est contesté quand même. Mais je veux dire, les médias sont assez durs aussi envers lui. Mais tu vois, moi, je suis pas surpris de la victoire contre Paris Saint-Germain. C'est le match aller, il faut le dire. Mais 3-1, c'est quand même un gros score. Ça va être plus dur pour le retour. Puis je crois que le Real va se relancer avec la Ligue des champions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller chercher un troisième titre consécutif, mais c'est une déception en même temps pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que avec les transferts de l'été passé, eux ont fait ces transferts-là. Ils ont mis beaucoup d'argent pour viser la Ligue des champions en Europe. Donc, c'est un peu leur priorité cette année. C'est sûr qu'ils devraient remporter le championnat en France, mais le match retour va être en début mars, je crois, le 3 ou 4 mars. Donc, il va falloir que j'ai hâte de voir le match retour, mais j'ai l'impression que le Real Madrid va passer à travers le Paris Saint-Germain à 8e de finale. OK. Neymar, on l'a pas vu beaucoup, hein? Pour un gars qui était payé cher, on l'a pas vu beaucoup. Non, c'est justement lui, il faut qu'il se lève, mais il y a eu des choix de l'entraîneur aussi, des drôles de choix. Là, on a mis sur le banc, on n'a pas mis dans le 11 partant le capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva. On ne l'a pas embarqué. C'est une grande surprise. Les commentateurs français étaient très surpris de ce choix-là aussi. À un moment que c'était 1-1, on a mis sur le débarqué Cavani, qui est le gros marqueur de l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une autre surprise en cours de match aussi. Emery a voulu faire des changements. Je ne suis pas sûr que ça a été les changements gagnants. Et puis oui, comme tu viens de le dire, Neymar, c'est lui, il faut qu'il se lève. Parce que c'est lui le gros nom, là, le gros transfert de l'été dernier. Donc, il va falloir qu'au match retour, qu'on voit un peu plus Neymar, qui est le futur de la planète foot, si tu veux. Ouais. Au soccer, maintenant, les autres finales, c'est l'huitième de finale, la ronde des 16. Donc, il y a eu quatre autres matchs. Il y a eu trois autres matchs. Il y a eu Liverpool qui a remporté son match 5-0 contre le FC Porto. Ça, c'est une grosse victoire pour le Liverpool. Liverpool, on sait qu'ils ont perdu Coutinho pendant le mercato de la période du temps des fêtes, la période de janvier. Coutinho est allé avec le FC Barcelone, mais malgré ça, c'est l'équipe surprise présentement. C'est le match aller. D'après moi, il devrait passer, avec une victoire de 5-0, il devrait passer le tour des huitièmes de finale. Dans les deux autres matchs, le Manchester City qui a remporté contre l'équipe de Bâle en Suisse une victoire de 4-0, donc ça devrait être assez facile pour Man City aussi. Et dans le dernier match qu'on a eu de cette semaine, c'est un match nul. On sait que l'équipe de Tottenham, avec il y a un attaquant là qui est très très dangereux en Angleterre, il va être intéressant à voir en Russie l'été prochain. Donc ils ont terminé avec un match nul de 2-2. Il faut savoir sur ce match-là, c'est Harry Kane, l'attaquant du Tottenham, qui est un joueur à surveiller, qui est très regardé, très spoté entre guillemets par le Real Madrid l'an prochain. Je crois qu'on devrait le voir arriver à Madrid. Donc à surveiller Harry Kane, qui est présentement un des gros attaquants en Europe. Et de l'autre côté, ben, avec Juventus, c'est Gonzalo Higuain qui a marqué 2 buts. Il y aura des matchs cette semaine, mardi, mercredi, des matchs à surveiller. Donc, le gros match à surveiller, Chelsea-Barcelone, ça va être un grand match. Le premier, le match aller va être à Chelsea. T'as le Bayern de Munich qui va jouer contre le club turc, le Besiktas. T'as Séville, club espagnol contre le Manchester United. Et le dernier match, le Shakhtar Donetsk, un autre club turc contre l'AS Roma. Donc, ça va terminer les matchs aller, les huitièmes de finale. Les matchs retour d'année sont prévus en début mars. Là. Ça va être là que ça va être intéressant à voir les huitièmes de finale pour la Ligue des Champions. Effectivement. Le camp d'entraînement de l'Impact se poursuit en Floride. Le camp d'entraînement de l'Impact se poursuit en Floride. Je te dirais aussi que l'Impact a encore 3 matchs à jouer, 3 matchs hors concours à jouer dans les prochaines semaines. C'est ce soir ou c'est mercredi contre Tampa Bay. C'est bien ça contre Tampa Bay. Et puis, on sait qu'ils ont 2 victoires. Ils ont remporté 2 victoires contre le Fire de Chicago mercredi dernier, une victoire de 2-1. Et une victoire contre Las Vegas, une équipe de la USL. Mais je te dirais que Rémi Garde est en train de placer ses cartes. J'ai hâte de voir la saison de l'Impact au début de saison. Donc, prochain match sur concours à Philadelphie. Non, c'est ce soir qu'on t'aime pas B. Ouais. Mais les Rollies qui sont une équipe de la USL. Et samedi le 24, le dernier match contre le FC New York City. Et début de saison de l'Impact sera le 4 mars à Vancouver. Donc, à surveiller aussi, Danny, le premier match à Montréal au Stade Olympique. Bon, il y a toujours un match en Stade Olympique en début de saison. Ça va être contre le FC de Toronto, les grands champions de l'année dernière à MLS. Ça va être intéressant de voir ce match-là. Ça va donner déjà les couleurs du club. Et puis, il y a le premier match au Stade Saputo qui va être intéressant à surveiller, qui, lui, va se jouer contre Laurent Simon et l'équipe, la nouvelle équipe de Los Angeles, le FC Los Angeles. Ça va être intéressant de voir le retour de Laurent Simon à Montréal. J'ai hâte de voir l'accueil des gens, des Montréalais. Et il faut dire aussi, Danny, que dans ce club-là, l'entraîneur adjoint est un Montréalais. Il a déjà coaché l'Impact, Marc Dos Santos. Effectivement. Il est venu à l'Espoir Soccer Alma. On a fait un séminaire à un moment donné avec lui. Il était venu faire une tournée ici à Alma, au lac Saint-Jean. Donc, ça va être intéressant de voir Marc Dos Santos, qui est en compagnie de Bradley. Là, c'est lui l'entraîneur-chef. C'est une figure très connue dans le monde du foot aux États-Unis. Bradley est le père de Michael Bradley, qui est le capitaine du FC Toronto. Donc, quand même intéressant pour le Québécois là, d'origine portugaise, Marc Dos Santos. Oui, effectivement. On se reparle dans 2 semaines, Benoît? Oui, quand tu es prêt, mon Daniel, on fera un tour aussi des championnats européens, à savoir comment ça va dans la Ligue espagnole, qui est dominée présentement par Barcelone, le championnat français qui est dominé par le Paris Saint-Germain. En Angleterre, c'est Man City qui est en avance pas mal, qui domine. En Allemagne, ben, c'est toujours le Bayern de Munich. Et pour le 5e gros championnat en Italie, ben là, présentement, c'est l'équipe de Napoli. Juventus de la patte un petit peu. Effectivement. Donc, on s'en reparle samedi prochain, Benoît. Yes. Salut. Merci, Danny. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean.